encore tout de suite à sa façon de se poser. Tu peux voir que la vie le berce et au-dessus de ta portée, quand soudain il te berce avec ce regard qui affole, qui semble dire il faut y croire. Parmi la foule qui s'abandonne, peut-être que tu pourrais m'avoir. Il est assis impassible, indécent et disponible. Indécent et disponible. Pour qu'on se relaie en cuisine, pour aller fumer en cachette. Est-ce la peine de se pâmer? La concurrence est déloyale, l'outrecuidance surannée, la transe absurde bacchanale. Toute la panoplie est sortie, la parade sera sombre errance. Émanci peut être séduit, ils s'amusent de leur déchéance. Il est assis, impassible, indécent et disponible. Indécent et disponible. Qu'il tient à bout de toi, traité avec concupiscence, te sera donné sans émoi, réalisant tes espérances. Il restera interdit, car dans les perdants sous hypnose, ses prétendantes encore gogies, ses concurrents qui se nécrosent. Ce soir ne sait pas de tendresse, juste l'urgence d'un désir à consommer dans la maigresse, au soleil de son plaisir. Il restera impassible, indécent et disponible. Indécent et disponible. Disponible. Disponible. Merci.